Exercice 13, page 157. Cet Australien, aux cheveux roux, parle un bon français avec un charmant accent. Il semble perdu. Les mains dans les poches, il marche autour d'Oscar pour se réchauffer.